C'est quoi ça? C'est Pyongyang Sea Rockers. Et numéro 346? Wow. Je sais plus. Ouais, c'est ça. T'as vu, hein, on se fait vieux. Hein. Donc, c'est parti. Donc, il y a plein de gens autour de la table. On commence par celle qui tient les manettes ce soir, Célia. Salut. Il y a en face de moi Ripoll. Bonsoir. Mais en fait, je devrais peut-être pas dire votre nom parce que vous êtes là pour des activités répréhensibles, voire illégales. Ah bon? Non. Je m'en Bon, bah d'accord. Donc, en face de moi, il y a Ripoll. Et puis, il y a aussi Thibaut. Et puis, bonjour Thibaut, ça va? Ça va et toi? Et puis il y a Billy. Salut. Ça, et puis alors son micro il marche pas. Enfin, il marche pas. Ou alors il parle pas assez fort, je sais pas. Tu peux peut-être le rapprocher. Ouais, c'est là, pas mal. Hein. C'est un peu mieux là. Il est là. Et puis la grande témoin ce soir qui ne va pas parler, c'est Manon. Mais en fait, elle a quand même réussi à parler, donc on va la forcer à un moment. Elle va être obligée de se rapprocher du micro, puis elle dira les choses. Ce soir, on est là pour balancer, en ce qui me concerne, 2-3 nouveautés. Et puis ensuite, on causera d'un concert qui va avoir lieu ce vendredi au Centre Culturel Libertaire Lille-Oisem. Quatre Colmar, bip. Ouais. Mais pour l'instant, qu'est-ce que je voulais dire? Ah ouais, je voulais passer une petite nouveauté d'un groupe, d'un groupe que j'ai déjà passé, c'est des Australiens qui viennent de l'Est de l'Australie, là, ils s'appellent Electric Prawns numéro 2. Je sais pas pourquoi il y a un 2, mais en fait c'est les crevettes électriques. Ah oui. Ouais. si, ouais. Et là, ça parle de gros hommes, ou de grands hommes, je sais pas, big man. Puis apparemment, la meuf, elle est un peu énervée. Et c'est toujours aussi bien, donc je vous invite à aller regarder leur banquant. Electric Prawns 2 Big Man. We'll be right back. C'est con, j'ai pas de crayon. C'est bien bon, ça. Hein. J'ai dit qu'elle était énervée, en fait, c'était pas trop énervé quand même. Hein. C'est bien, c'est bien pour un numéro d'été de Pyongyang City Rockers. Alors, Kawaii Molotov, vu qu'il s'agit de Kawaii Molotov, s'unit avec des amis. Ah oui, c'est ça. Kawaii Molotov and Friends. Kawaii and Punk Friends, tout ouais, à fait. C'est pas mal, hein. Ah, ouais, Punk Friends, ouais. Parce qu'il n'y a pas que des Punk Friends, il y a aussi des autres choses Friends. Il y a plein d'amis différents, mais il y a les Punk Friends. Oui, mais t'as raison, faut le dire. Soulignons-le. Pour nous proposer un concert à quatre groupes ce vendredi, Alors, ouais. Alors, il y aura trois seulement. Il y aura trois parce que, on a. Bah, les experts comptables, finalement, ils ont pris leur congé. Ouais, voilà, d'été. Voilà. Ils ont fini de. Ils ont fini le bilan. Ils déposent le bilan, ils sont pas là. Ouais, non, il y a un petit. On m'a confirmé, on m'a dit oui, puis après, on m'a dit, en fait, il y en a un qui arrête, puis en fait, on sait pas comment on va faire sans lui, et du coup, on n'est pas là. Ils ont été dissous. Ils ont été dissous. Voilà. Et des experts comptables à dissous, c'est pas cher. Non, c'est pas cher. Voilà. Bon, donc il y aura quoi déjà? Eh ben écoute, il y a Placide et Fizz qui nous viennent tout droit de Germanie, et un groupe qui s'appelle Boom Boom Raccoon qui nous vient tout droit d'Angleterre. Tout droit. Pas tout droit, parce que ouais non, ils sont en tournée. C'est pas tout droit. Bah il y en a qui arrivent d'Angleterre et qui partent de l'autre côté là, de l'est de chez nous, donc en Belgique. Hein. Et il y en a qui arrivent. Je suis là, je m'entends pas. Je suis là. Oui, t'es là. Ok. Et il y en a qui arrivent d'Allemagne et qui vont chez Boom Boom Raccoon. Donc ça fait un joli carrefour. Ouais. Ça s'est croisé. Au niveau de Lille. Voilà. Voilà, si vous nous écoutez de Belgique, vous pouvez voir Boom Boom Raccoon ce soir au Kinky Star à Gand. Ah d'accord, ok, j'avais pas noté, tiens ça. C'est pas sur Shpunk. Oh ah, merde. C'est trop bien. Non, il n'y a pas tout. Et vous pouvez les voir aussi après-demain à Pierre. C'est encore un peu plus loin. Plus dans le Larbourg, tout comme ça. C'est ça, mais ouais. Et par contre, je sais pas où c'est. Sur l'affiche, il y a marqué You know where it is. Ouais. Donc, voilà, vous savez très bien. Ouais, c'est Ask a Punk. Et puis de toute façon, père, c'est pas très grand. Il risque pas de se perdre. Si c'est dans une ferme, dans la cambrousse de père, ça va être quand même un petit peu délicat à trouver. Mais vous finissez par y arriver. Et puis sinon, l'endroit qu'on connaît, c'est le CCL et ça sera vendredi soir. Demain soir. Oh, je dis n'importe quoi en plus. Je dis n'importe quoi, on est mercredi. C'est demain au Kinky Star. Donc vous avez encore le temps. Voilà, je recommence. Il est 20h. Demain, donc. Boom Boom Raccoon, c'est quoi? Boom Boom Raccoon, c'est un trio. C'est bien, tu fais les questions et les réponses, moi. Ouais, c'est clair. Boom Boom Raccoon, c'est un trio de Bristol, il me semble. Un trio de ska punk acoustique. C'est marrant. Boom Boom Raccoon, ska punk acoustique, trois mots, BBR. Ça me fait penser à un truc. On va devancer la. BBR. On va devancer la. Comment? La piste là de Radio Campus. Et au lieu de Bang Bang Cocktail ce soir, ce sera Boom Boom Raccoon, du coup. Ce qui est de ska punk acoustique. Parce que je sais pas si vous avez déjà écouté Radio Campus, mais Bang Bang Hotel, ça rigole pas. Dans l'algorithme, ils sont. Ouais, ils sont partout. Il y a plein de titres aussi, hein, que je te dise. Ouais. Par contre, il n'y en a pas encore de Boom Boom Raccoon. Il y a quoi sinon à part eux? Il y a Placide. Placide, notamment, ouais, carrément. J'espère qu'il veut nous parler de ça, non? Parce qu'en fait, le truc, c'est que Boom Boom Raccoon, c'est plus ou moins des amis, on s'est déjà croisés et tout. Ils allaient faire leur concert et ils m'ont dit on passerait bien par là parce que c'est sur la route et ça serait cool. On avait déjà essayé, ça s'était pas fait et tout. Et je me suis dit ouais, super. Première date en France. Bonne idée. Première date en France, en métropole, comme diraient les gens qu'on salue. Les Corses. Ouais. Corse, mais un peu plus loin, quoi. Et du Pacifique. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, là, ça s'est fait. Du coup, je me suis dit, super et tout. J'avais pas vraiment demandé le lieu. Je savais pas trop quoi faire avec. Du coup, j'ai appelé Thibaut. Et depuis, il s'occupe de tout. Non, mais c'est Thibaut, c'est un professionnel, tu le connais. Un professionnel. Il arrive avec sa petite mallette, avec son ordinateur dedans. Il a tout préparé. Je dis à tout le monde que j'organise un concert, mais en fait, je ne fais rien du tout pour l'instant. C'est faux. Et d'ailleurs, il fait tout sauf la prog, en fait. le seul truc qu'il a ramené, c'est... Ils ont annulé l'expert comptable. Mais c'était une bonne idée quand même. Et du coup, avec Boom Boom Raccoon, vendredi soir, il y aura... Placide et Fizz. Ok. On pourrait passer les groupes par ordre de par ordre inverse d'entrée en scène. De naissance. Parce que c'est vous avez déjà le running order ou quoi? Tout à fait. Bien sûr, on l'a fait. On l'a fait ce matin. Alors, en premier, il y aura un groupe. En deuxième, l'autre. Et en troisième, ça sera le dernier. Voilà. Bah, commençons par Boum Boum, vu que je pense qu'il y a quelque chose qui est préparé, c'est ça? Normalement, c'est bon. Théoriquement, c'est bon. Peut-être. Alors, moi, je vous propose un morceau que j'aime bien qui s'appelle Haste. Ouais. Je sais pas trop comment le dire. J'arrive à le lancer. H-E-I-S-T. Haste. Et je l'aime bien. J'aime bouillir ce morceau. Oui, il est sympa. On pourrait peut-être même en passer deux à la fois, vu que là, il est 20h11. Ouais, en passer deux à la fois. Oh là là. On est peinard. Et en plus, vacances, on va regarde, pas se faire chier. 20h11, 2 plus 0, 2, 1 plus 1, 2, et merde, il est 12. Ça y est, c'est trop tard. Voilà. Tu fais de la numérologie. Ah, j'en peux plus en ce moment. Je vois des chiffres partout sur les horloges, dans les calculettes. Il y en a partout. Haste de Boum Boum Raccoon, s'il vous plaît. Youpi, le PC Mix. Biscuits taste fantastic. Such a shame they're wrapped in plastic. We've journeyed quite far to their place of creation, hoping for further taste of gestation. There's nothing better than a biscuit with coffee, tea or a mocha with oat milk that's frothy. No matter how bougie you like your hot drinks, they always taste better with Lotus Biscuit. Certified vegan, not ethically perfect, but it's the beginning. Animal products don't need to exist in the creation of tasty biscuits. Not just the biscuits, the spread is amazing. I put it on cakes in the place of a glazing. The blandest of sponges becomes heaven sent with the inclusion of blended biscuits. Give us biscuit spread, give it to us soon. We want to eat it now, simply with a spoon. Give us biscuit spread, give it to us soon. We want to eat it now, simply with a spoon. In the kind of way where we dictate and they obey, that's how they're seen today. Animals commodify, live out their lives in cages. Genetically they're modified, mature at younger ages. Profit is the bottom line, that's how it's been for ages. The cost of life is getting pretty low. There's no excuse for animal abuse. Animals are feeling too, and you know it's the drugs, the effects of which are rarely the same they are for us. The practice is compulsory for our health. They will bleed the illness that we have if further fed. There should not be a word for living beings with a cost. Yet livestock is a word that's used by too many of us. Why the hell should we decide which creatures live and which ones die? Every creature has the right to life. There's no excuse for animal abuse. Animals have feelings too, and you know it's the truth. When you work all day, you earn a tiny fraction of the money made. But you gotta keep on working, yet you gotta get paid. That's how it is today. The bosses in the office look for Reaper in disguise. When the hours counting profits while the death tolls rise. Propaganda and deception, a smokescreen for their lies. That's just the game they play. Separate and segregate, create a lower class. Perpetuate the rhetoric that what is ours is ours. National identity don't really make much sense to me, but that's how they keep control. Problems of another country aren't asked to get involved unless there's opportunity for minerals and gold. Labour is preferable and workforce is disposable. The cost of life is getting pretty low. There's no excuse for animal abuse. Humans are animals too. Open up the borders. There's no excuse for animal abuse. Humans are animals too. Open up the borders. There's no excuse. Sur Pyongyang City Rockers, numéro 346, c'était Boom Boom Raccoon avec un deuxième titre qui était Cages. Et oui, ce n'était pas l'Open Radio. Et de quoi il cause, tiens, parce que bon, on arrive à peu près à comprendre si on a deux, trois éléments d'anglais, mais quand même, faut un petit peu développer. Bah, il parle un peu de beaucoup de choses anticapitalistes, en tout cas qui nous branche, qui nous branche nous. Cette chanson là, c'est sur à la fois la libération animale, mais aussi à la fois la libération des humains. C'est comme ça qu'elle finit, parce qu'il dit en fait nous aussi, on est aussi des animaux. Ouvrez les frontières, parce que voilà, on est un peu comme dans des cages, ouais. Mais dans les frontières. Surtout pour d'autres, pour nous, on va dire européens, on a un peu plus de chance, mais pour d'autres, effectivement, on est comme dans des cages. On a beaucoup de liberté. On peut tout un peu plus. Voilà, il parle plein de choses, c'est très, très cool. Et le morceau d'avant, il parlait de gâteaux, de petits biscuits, je crois. Ah ouais. Ouais, je crois que c'est ça. Et... quoi, c'est comme dans Shrek ? Non. Bon, c'est tout alors. Autre groupe, on va enchaîner là, vu qu'il est... Putain, il est 20h19. Ouais. C'est fou. Ouais. Parce que, ça passe toujours vite. On va arrêter dans 10 minutes finalement, ce sera très vite. Ah non, on va laisser notre ami allez, présenter y a sa programmation. Il y a Piaf, en plus, t'as pris plein de notes, tu m'as piqué mon stylo, là, tu me le rends après. donc t'as pris plein de notes, mais c'est pour dire quoi ? Il a écrit tellement de trucs, tu vas devoir écrire avec le vert, tellement il n'y aura plus d'encre dans le noir. C'est affreux. Il a déjà commencé à écrire avec le vert. Bon, vous le laissez parler ou quoi ? Oui. Alors, en plus, sur la soirée, il y a Placide, un groupe de Francfort, avec une meuf au chant, et ça chante en français. Ah, on m'entend pas ? Ouais, si, mais on m'entend pas, je peux le rapprocher, hein, mais là ça va commencer à être compliqué, encore plus près. Ah, t'es bien là, t'inquiète. Ouais, c'est bien là ? Vous m'entendez ? Ouais. Et du coup, il y a trois titres qui vont passer, ou deux, je sais pas. Je crois que ça commence par... Pyongyang, on est plus deux quand même. D'habitude, on est plus deux. On peut en faire trois. Allez, ça va. On ira boire une bière. Mais oui. Ouais, t'as vu, hein. Ils font une dans les idées. Mais alors, Placide, eux aussi, c'est des gens qui parlent de trucs complètement conventionnels dans le milieu punk machin, ou quoi ? J'ai plus l'association que ça parle de situation. Y a rien de réellement explicite dans leurs paroles. Peut-être le morceau Une femme sous influence. Une femme sous influence, oui, tout à fait. Après, bon, ça parle de mauvaise haleine et de canapé plein de pisse, donc. Oui, en français. Aussi. Oui, en français. Oui. Ouais. Parce qu'en fait, ils viennent de Francfort, mais ça chante en français. Voilà. Oui, voilà. C'est bien oui. pour des boches, quand même. Pardon. Moi, je pense que la chanteuse est française. Elle est française, d'accord. Okay. Ah voilà. Ben, on va pouvoir comprendre alors ce que ça raconte. Oui, tout à fait, oui. Ouais, youpi. Parce que j'aurais pas autant de choses à dire sur Fizz, parce qu'il n'y a pas les lyrics nulle part, donc... que des faits, j'ai compris quelques trucs, mais voilà. Bon, et ben du coup, donc, qui passera en... première, deuxième ou troisième position ce vendredi au CCL Placide avec trois titres. A priori ils joueront en deux, c'est parce qu'on s'est un peu établi. Normalement Fizz commence, ouais, ensuite il y aura Placide. Je vous écoutais là tout à l'heure, ouais. Quand il y a la musique qui passait, vous étiez encore en train de vous caler. Non, pas vraiment, discuter. On s'est mis d'accord déjà. on s'est mis d'accord. Et en fait ça va finir par Boom Boom Raccoon, voilà. D'accord. On va y aller en fait du plus vénère au moins vénère pour une fois. C'est bien. Moi, c'est bien. Ça permettra de reposer ses oreilles. Exactement. Allez, les trois titres de Placide. C'est parti. Ouais. C'est parti. je vais mettre un truc. Alors, c'était Placide avec les trois titres que voici. DJ, dans l'ordre. Mauvaise haleine, ensuite une femme sous influence et enfin canapé trempé de pisse. Canapé trempé de pisse que je dédicace à des gens qui sauront puisqu'on fête l'anniversaire de cette personne bientôt. Une soirée où qui s'était terminée en canapé trempé de pisse. Ok, vous écoutez Pyongyang Styrocor, c'est le numéro 346. Nous avons avec nous ce soir Cowboy Molotov and Punk Friends. Mais pour l'instant, un petit intermède dans cette interview riche en informations diverses. Je vous passe un truc qui m'a été recommandé par les gens de Cadaveres Podridos que j'avais programmé il y a quelques semaines. Voici donc issu des montagnes de l'Équateur, Patria Létal, Équateur en Amérique du Sud, là. T'as vu punk brut et rapide dans ta face, tu vas pouvoir entendre. C'est une démo 5 titres qui est sortie en 2021 ou 2022, c'est pas très clair. J'ai tout dit. Bah, 29 février. Voilà, peut-être, oui, tout à fait. Il y a un clip qui est trouvable sur YouTube qui a été réalisé avec le label équatorien Pluteras Records dans le cadre de sa fameuse, que j'ai découvert il y a pas longtemps, mais en fait, du coup, bah voilà quoi. Sa fameuse série live Cabina del Terror. Donc studio de la terreur, ouais. Et où ils en sont à 450 clips de groupes sud-américains et tout quoi. Oh ouais, c'est ouais, non, ça c'est existe de la folie, depuis quoi. Longtemps quoi. Ouais. Et voilà, puis ou alors ils bossent. Ouais. Ouais, ils bossent. Voilà, on peut retrouver ça, mon cher Stéphane. Hein, vachement plus vite qu'ils sur YouTube. Ça se trouve sur YouTube. Voilà. Ok. Donc, ça s'appelle Cabina del Terror. Et puis donc, ils disent que c'est le programme indépendant de session live le plus grand de l'Amérique du Sud. Je vous le dis pas en espagnol parce que c'est un peu compliqué. Pour moi, donc voilà, ils en sont à 440 sessions, quoi. Donc à chaque fois, ils enregistrent un ou deux titres par groupe. Il y a à la fois du punk, du hardcore, du death, du grind, du doom, du slug. Ils font pas de ska punk avec la twistie. Je pense pas qu'il y ait de ska punk, j'en ai pas vu encore. Mais enfin, peut-être que je me trompe. J'en reparlerai de toute façon. Bref, là, c'est la patrie létale. Patria létale qui promeuvent la traîtrise envers la patrie. C'est curieux. Enfin, eux aussi, peut-être, ils ont des problèmes avec le RN local. Trahison à la patria par la patria létale. Youpi, Patria Létale sur Pyongyang City Rockers 346 avec ce soir donc ces gens de des amis de Kawaii Molotov. Alors Kawaii Molotov, qu'est-ce qui se passe? C'est une soirée qui est encore au profit d'une cause généreuse ou pas? Bah au profit du CCL je crois, il faut le faire des bien. Fois aussi hein. Non, bah, pas, non mais pas de... Je trouve que là c'est un peu en régression parce que la dernière fois il y a eu des trucs pour la Palestine tout ça, enfin... Après... Alors c'est quoi ce merdier? Non, hein? Non, mais il y aura toujours. On devient égoïste. Il y a une caisse pour la Palestine, ouais. Déjà. Voilà. First. Ensuite, il y a la volonté aussi, bah voilà, de subventionner ce lieu qui vit aussi uniquement par les concerts. Et en ce moment, il y a beaucoup de soirées de soutien. Et d'office, on avait aussi envie de d'y aller un peu plus tranquille, quoi, parce que c'est les vacances, qu'il y a moins de monde, et c'est pas la même quand tu gères tout ça. Et pour y aller tranquille, qu'est-ce qu'on fait? On passe du punk. Alors, je suis même pas la proc, tu c'est vois. Très bien. Il dit que je fais tout, mais je fais rien, moi. Donc c'est vous continuez vacances, de vous mettre Stéphane, d'accord pendant qu'on passe de la musique. Ils se mettent d'accord ici hein, sur les derniers aspects pratiques de ce concert. Je m'occupe du taboulé. Ah, voilà, c'est bien. Tu mettras des tout petits morceaux de piment dedans. Okay. C'est super. Je mettrai à part. Mais vraiment tout petit. Hein. Ouais. Non. Bah pourquoi pas. Bah ouais. Bon, ouais. Donc voilà, vous savez ce qu'il y aura à manger en plus. Il y aura une cantine avant ou pas? C'est quoi? Il y aura à manger. Il y aura à manger, ça va aller. Ouais, voilà, bon, c'est bien. C'est un peu la dalle. Cantine, c'est un gros mot, mais il y aura une. Non, parce que quand même, le CCL maintenant est connu de par le monde pour la qualité de sa cantine végane. Un vendredi midi sur deux, soir. Midi ou soir? Midi sur deux. Midi, ouais. Un vendredi, midi voilà. Sur deux. Ouais, franchement, ouais, il faut le dire. Bah ouais, malheureusement, ils ont dû baisser, hein, parce qu'avant, c'était tous les vendredis, sache-le. Ouais, mais ils ont dû un petit peu revoir leur, tu veux dire, c'est leur prétention. Sache-le. Ah, ouais, ah bon, je me permettrai pas d'insulter qui que ce soit à l'antenne. Je sais pas. Et donc, ouais, du coup, à propos de justement ce qu'on vient de dire, il y a un troisième groupe qui sera là vendredi soir. C'est... Carrément. C'est. Ils viennent en jean. C'est l'hymen. C'est. Jean Fizz. Bravo. Moi, mas grande studio de l'Amérique del Sol. De Lille. Bah, Fizz qui nous vient de Düsseldorf. Ah, voilà. Oh, c'est beaucoup plus près, ça. Et aussi, ils s'en vont, ils sont sur la route pour aller en Grande-Bretagne. Ouais, ils sont en tournée avec Placide, ouais. Avec Placide, ouais. D'accord. Bon. C'est une tournée spéciale, alors, c'est une tournée sans instrument. Ouais, voilà, c'est la particularité, c'est qu'en fait, ils arrivent les mains dans les poches. Ouais. Oui, un tranquille. Peu comme nous, du coup. Enfin, ils nous obligent à que non, du coup, mais bon. C'est bien. Mais tu vois, on disait, les gens s'encombrent, ils s'encombrent pas de structure, ils s'encombrent pas d'originalité, eux ne s'encombrent pas du tout. Du tout. Mais non, mais c'est bien. Et puis les Anglais arrivent avec deux guitares en bois et une trompette. Donc j'ai envie de dire, c'est vraiment la soirée pas encombrante. Quoi. C'est les vacances. C'est un vrai truc vacances. De Boba Cool en fait. Ah, ben là, ah, ouais, là, j'espère qu'il y aura personne avec un djembé quand même. Non, alors, non, c'est pas bon, prévu. C'est pas prévu. Ni djembé, ah, bon. Ni djendjeridou, n'importe quoi. Non, pas de beatbox non plus. Non. L'heure, c'est quoi? C'est 20h30? L'heure, c'est le truc qui a marqué sur les montres. Enfin, c'est le repère dans le temps pour finir une journée. Ah, merci. Tu m'en apprends une belle. Non, bah, comme d'habitude, vous savez très bien comment ça se passe. Et si vous ne le savez pas, on va quand même vous le dire. Ici, sur Radio Campus, le 106,6, on vous annonce que ça commencera comme d'habitude vers 20h30, 20h, 19, 10, 14h30. Voilà, vous pouvez démarquer. Ouais. On va pas commencer avant 21h. Voilà. Mais c'est pas une raison pour pas venir boire un coup à partir de 20h30 à l'ouverture aura, des portes. Donc comme d'habitude, il y aura de la Heineken et de la Pelfort dans le frigo. Ouais, Heineken, okay. Pelfort, Affligame. Voilà, il faut garder le troisième. Ouais, c'est bien. Ouais, trois groupes, trois bières. Exactement. Trois groupes, trois bières. Oui, oui, comme Thomas. C'est très bien. Voilà. Bonsoir. Bonsoir Thomas. Fizz, il cause de quoi? On sait pas. Fizz, il cause de quoi? On sait pas trop parce qu'ils mettent pas leurs paroles, voilà. Mais ils nous parlent de choses. En fait, ils se définissent un petit peu. Le mec qui brode. Non, je brode pas. Je te jure, je suis nul en couture. Tu vois, il lit un truc, il a tout préparé, regarde. Regarde, il a tout préparé. Là, il tourne l'écran de l'ordinateur comme ça, Thibaut ne voit plus rien. Safari. Ah non, c'est pas ça que tu lis. Ah bah non, pardon. Non. Non, en gros, Fizz, bon voilà, punk hardcore, un peu psyché sur les bords, donc. C'est vrai. C'est eux qui font du lounge? Non, c'est Placide qui font du lounge. Je ne comprends plus rien. Mais... Ouais. C'était très drôle, ils mettent ça sur Bandcamp, tu sais, genre punk, hardcore, lounge. Mais il y a un truc, il y a un truc. C'est des titres qui durent 6 minutes 50, un truc comme pas ça. Non, pas du tout. Non. Souvent, Psyché, il tire un peu en longueur. Hein. Non, c'est parce que c'est un peu noisy. Il y a du un peu noisy, ça. Ouais, c'est noisy. Ça. Si on pouvait comparer avec un groupe de Lille, on pourrait dire Götter, par exemple, tu vois. Genre de. Voilà, pour le coup, ils viennent sans matos, donc ils auront un son clair, une batterie sans effet, et puis ça ressemblera à du punk, quoi. Ils savent pas encore qu'ils vont jouer sur la basse acoustique de Boom Raccoon. Voilà. Boom Raccoon ne sait pas non plus d'ailleurs. Non, mais j'ai hâte d'être là vendredi soir. Je pense que ça va donner quand même. J'ai hâte d'être là samedi matin. Moi. Bah d'ailleurs, on va pouvoir. Ça nous fait une belle transition. Je pense qu'on va pouvoir s'envoyer deux morceaux. Bah, on va commencer par celui-là. Envoyons-nous deux morceaux. C'est clair. Tu fais bien de le dire. Et on peut s'envoyer bah, du coup Delirium parce qu'on on Delirium bien ici quand même. Il y a Célia qui attend le deuxième morceau. Ensuite, on peut envoyer New Ages. Fizz. Sur le campus. Fizz. Oi. Enfin, oi, si on veut. Oi. We'll be right back. C'est Pyongyang City Rockers, numéro 346. Nous présentons ce soir ce fabuleux concert. On sait déjà qu'il sera fabuleux. Ça sera vendredi soir à partir de genre 20h30 au CCL, 4 rue de Colmar à Oisem-Lille, métropole des Pins. Avec Boom Boom Raccoon, Pins et Plein Sind. Il n'y aura pas les experts comptables parce que bon, bah, pff, voilà, ils ont pris leur vacances. Ah ouais, ça va finir un peu plus tôt peut-être, à moins qu'il y ait quelqu'un qui veut le faire DJ. N'hésitez pas à nous appeler. Voilà. Non, non, hésitez deux minutes quand même. Hésitez deux minutes. Regardez-vous réfléchissez dans une place, quand même. Ouais. Demandez-vous si vous avez votre place et puis après. Ouais, il y en a bien un de vous qui va brancher son téléphone et qui va. Téléphone. Il faut demander à Mika, ça, il est déjà habitué. Ah bah voilà. Voilà. Mika et Stéphane Linares. Bon. Non, pas du tout. Puis on dit pas mon nom à l'antenne. Et puis ouais, pendant qu'on y est, on peut aussi parler d'un autre concert qui va avoir lieu deux jours après, le dimanche, que j'ai pas la fiche sous les yeux. Ah, donc il y aura quoi, Mouraud déjà, ouais. Oui, ouais, il y a Mouraud, il y a Clore, Gutter, Clore. Non, Gutter. Clore, Gutter et Camélia Sinensis. Camélia. Et puis quoi? Camélia. Camélia Sinensis. Ouais. Et ça sera aussi au CCL. Oui. Puis tout à l'heure, on va passer, je pense, un ou deux titres de Mouraud. On va faire bien. Ouais. Hein pour l'instant, j'ai le droit de passer à un des Russes. Ouais, je sais pas. Mais bien, votons. Voilà. C'est donc une pépite qui vient de Sibérie, comme d'habitude. C'est paru chez Younost Severa, la jeunesse du Nord, le label qui existe depuis plus de 10 ans. À Yakoutsk, en Yakoutie. En Yakoutie, ma République autonome du Sakha. C'est comme ça qu'ils disent. Yakoutie, c'est un nom qui a été donné par les Russes, donc c'est plus colonialiste. Et donc ils sont plus pour l'indépendance de leur coin là. Bon, par rapport aux Russes. À mon avis, ça va être compliqué de l'obtenir, surtout c'est actuellement. C'est un peu les corps de Sibérie du coup. Voilà. Ce groupe s'appelle Soulous, S-U-L-U-S. Et puis fin 2023, ils ont sorti une démo avec des textes à l'onirisme chargés de connotations politiques éventuellement, enfin peut-être. Des ombres apparaissent sur la terre du milieu avec des majuscules, la terre du milieu. Une période de silence a commencé dans le ciel, les étoiles brillent dans le ciel pour montrer nos envies. Ah, que va-t-il se passer? Eh bien, vous le saurez en regardant ce qui se passe à Yakoutsk et tout autour, et en vous branchant sur le... quoi? Sur le Bandcamp de Younost Severa. Je ne vous dirai pas comment ça s'écrit. Démerdez-vous. En tout cas, vous pourrez trouver Soulous, S-U-L-U-S, qui vous interprète ce titre, Urunkun. Soulous, groupe Yakout dans Pyongyang City Rockers, numéro 346, vous écoutez bien, tout à fait, Radio Campus 106,6, et maintenant il y a Billy qui va nous parler de Mouraud. Alors oui, Mouraud, dimanche. Ils font plein de trucs ces gens. Enfin, oui, ils font plein de trucs. Bah, surtout le batteur. Je crois que cet été j'ai vu tous les groupes du batteur, et il y en a pas un qui est décevant. Il y avait Ayukaba qui a joué au CCL il y a un petit moment, c'était vraiment top. Puis il joue aussi dans Attaqué Zéro. Un truc un peu plus. Zéro, ouais. Un truc un peu plus post-punk, punk hardcore. C'est bien. Et il joue aussi dans Unidad Ideologica. Ça, c'est vachement bien. J'en ai déjà passé un ou deux titres ici, tiens. Oui, non, c'est bien. Puis même en live, il faut aller voir ça. Donc, Muro, j'aime beaucoup. Et puis je pense qu'en live, peut difficilement être déçu, je pense. Je pense que ça va très bien jouer. Donc, ça passe dimanche. Ça passe dimanche, oui, au CCL. Entre 14h et 20h, il faut demander à Ripoll pour l'heure. Mais vous arrivez. Bah, sinon, si c'est fermé, vous allez boire un coup en face, tu sais, dans le parc. C'est le 14, bah, 14h. Vous allez boire un coup en face dans le petit parc qui est devant la chapelle, où les gens pissent contre le mur. Le parc est sacré. Enfin, les gens. Sacré, oui, les gens. Les mecs. Les nous-mêmes. Ah non, moi, je vais aux toilettes. Oui, oui, oui, non, mais les nous-mêmes, les vous autres, c'est pareil. Mouron, on a des titres là à passer, quand même. Bien sûr, ouais. Pour annoncer. Bah, on va envoyer. Et qu'est-ce que ça veut dire, quoi, Mouron, du coup? Bah, le mur, je sais pas. Oh, bah alors, c'est original. Bah, tu sais, puisqu'on donne le mur, bah voilà, c'est sûr. Ça veut dire un Mouron. C'est après le canapé plein de pisse, ça, c'est le mur plein de pisse. Ah, bah oui, mon gars. Allez, on va passer le morceau Pacifière de Mouron. Pacifière? Non. Pacifière. Il n'y a personne qui est revenu, mais c'est pas grave. Ouais, voilà. Là, c'est le moment où la personne qui est toute seule dans le studio doit meubler, car il est 20h50 et 30 secondes, oui. Dans les studios de renommée internationale de Radio Campus, à Lille. Hein, 106,6. Voilà. Et c'est Pyongyang Sea Rockers, je meuble là, tu vois, 346, 106,6, DAB+, 7,6, voilà. Quoi, t'as vu. 1,4,6. Et si je passais du métal tunisien? Vas-y. Allez, vas-y, Stéphane, fais comme chez toi. Dont auquel? Bah ouais, enfin, parce que là, faut que je... Avec des solos de guitare. Des solis. Ouais. Soli, pardon. Bah non, parce qu'en fait, Znous, leur marque de fabrique, c'est de mélanger donc d'instrumentation métal ou hardcore très occidentale forcément avec des pointes de musique plus traditionnelle de Tunisie. Mais par contre un truc qu'ils aiment pas du tout c'est la vision orientaliste qui entache encore pas mal la façon dont les occidentaux pensent aux pays comme la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, la Libye, tout le bordel. Orientaliste, c'est-à-dire une espèce de romantisme à l'ancienne, tu sais, avec où on voit tous les trucs un peu qui dénient la modernité d'un pays comme la Tunisie. Et eux, ça les fait chier parce que bon, c'est pas uniquement un bordel à touristes leur pays. Il s'y passe aussi des choses. Il y a aussi une réalité politique qui est assez contrastée, comme on dit sur France Culture. Et puis ils ont envie d'un peu de secouer tout ce bordel et de faire en sorte que les gens qui les écoutent, particulièrement les occidentaux comme nous. Se disent que en Tunisie il y a aussi des gens qui se bougent pour gueuler contre le gouvernement, que c'est un pays moderne, enfin bref, mais qui en même temps toutes les tares des pays modernes et que c'est pas uniquement un endroit où il y a des trucs un peu folkloriques à la con. C'est en ça que je parlais d'orientalisme juste avant. Et bien donc voici Znous qui est calé je pense sur le VLC là. Ouais c'est bon. Ouais trop bien. Et le titre c'est Sally. C'est de la belle histoire. Youpi, il est 20h55, bientôt on va devoir rendre l'antenne et puis après ça sera JD, Tears Grinder. Pour l'instant c'est la fin de Pyongyang City Rockers, on a encore 2-3 trucs à passer peut-être. Moi j'aimerais bien repasser un morceau de pour faire la fête, un morceau de Boom Boom, Boom Raccoon. C'est lui qui s'appelle Boom Boom Raccoon. Ouais, ils ont fait un morceau éponyme qui s'appelle Boom Boom Raccoon et je pense que c'est le morceau qui va faire en sorte que tout le monde va quitter ce groupe s'il le joue pas trop tôt dans la soirée. Ça va être super, moi je suis chaud. Il dure longtemps ou alors on pourra encore passer autre chose après? Minutes. Bon, après, on pourra dire au revoir. Est-ce qu'on l'écouterait pas tout de suite, sans transition aucune, Boom Boom Raccoon par Boom Boom Raccoon sur l'album Boom Boom Raccoon en prévision du concert de Boom Boom Raccoon. De Placide et de Fils. Vendredi au CCM. Ça va être super. Ça va être un truc de ouf. Attention, attention. Boom boom rockin'. Et voilà. Alors, c'est pas une reprise, qu'est-ce que tu racontes? C'est éponyme, monsieur. C'est éponyme, voilà. Exactement. Eh bien, tous nos amis éponymes vont pouvoir faire la fête ce vendredi au CCL. Pour l'instant, on vous dit au revoir la semaine prochaine pour le 347e de Pyongyang Steel Rockers. Voilà, il va se passer encore plein de trucs. Il y a aussi Mouraud et puis tout le monde dimanche au CCL aussi. Et puis d'autres trucs. Vous regardez sur Shpunk, comme d'habitude, maintenant. D'ailleurs, dès ce soir, Shpunk vous rappellera que demain, vous pourrez aller voir Boom Boom Raccoon à Gand, si vous voulez. Voilà. Et puis, sinon, on n'oublie pas. On pardonne pas. On n'oublie pas quoi? À cab. À cab. Quand même. Salut, Billy. Salut, Billy. Salut. Show in your room, working at New Western Spiders, 3, 4, 5, a boom boom raccoon. We never get too drunk too soon while playing lots of music together in your room. I'll be your lover tonight. Get up, let's go!